Je bénéficie de la priorité à la prochaine intersection uniquement. C'est la signification de ce panneau. Pour aller à Dijon, je devrais tourner à gauche. Je devrais donc céder le passage aux usagers qui circulent en sens inverse, qu'ils aillent tout droit ou qu'ils tournent sur leur droite.